6. Le lendemain matin, c'était dimanche, et l'on allait à la grand-messe de 10 heures. Habituellement, Anatolie, un peu longue à sa toilette, se faisait attendre. Madame de Berville, de la porte de sa chambre, lui criait par l'escalier. « Petite, les premiers coups vont sonner, tu n'es pas prête ?» Anatolie, ce dimanche-là, fut prête à la première, parce qu'il y avait dans sa vie une nouveauté qui l'excitait, la promesse de déménager bientôt et d'essayer des journées imprévues. C'est elle qui, par jeu, cria dans l'escalier « Grand-mère, les premiers coups vont sonner !» Madame de Berville était lasse et lente, après une nuit de mauvais sommeil, où elle avait ressassé 1000 tristesses et ajouté au bilan de son vieux chagrin sa douloureuse découverte de la veille. L'ennui qu'Anatolie éprouvait depuis longtemps à demeurer dans la maison morne. C'était l'usage qu'au premier coup sonné, 10 minutes avant l'heure de la messe, chacun sortit de chez lui pour se rendre à l'église. Et comme à Castillac, les distances ne comptaient pas, on arrivait ainsi bien à l'avance. Par le beau temps, on ne se hâtait point d'entrer. L'office durait presque jusqu'à midi. En prévision de ces 2 heures captives et dévotes, on bavardait sur le parvis. On écoutait, disait Anatolie, tout son profane, afin de se présenter à Dieu plus congrûment. On se délivrait de ses potins. Ce dimanche-là, il y avait pas mal de monde sur le parvis. Et principalement, il y avait sur le parvis une agitation qui n'était pas celle de tous les dimanches, une petite agitation bizarre, et qui ne faisait pas de bruit, et qui par endroits éveillait des rires. On voyait se former des groupes remuants, et de groupe en groupe, des paroles étaient furtivement colportées. Il y avait des figures dépitées, il y avait des figures railleuses, il y avait des gestes goguenards. Des gens prenaient un air bien détaché. 2 ou 3 bonnes femmes ne dissimulaient pas leur courroux. Anatolie aperçut tout cela très vite, dès qu'elle eut mis le pied dehors. Et sa curiosité fut bientôt satisfaite. On avait, mais qui ? Et là-dessus, les conjectures allaient bon train, au gré des rancunes. On avait, pendant la nuit et dans la plus grande partie de la ville, et notamment tout au long des rues de la petite cité, Gambetta et des vieux rapporteurs, on avait barbouillé de noir de fumée tous les miroirs ou espions qui se trouvaient aux fenêtres du rez-de-chaussée, tous. Et le matin, quand les serviteurs et servantes préparaient l'éveil des maisons, la nouvelle de ce ridicule attentat s'était propagée de porte en porte avec des plaisanteries, des colères, avec un tumulte auquel les petites rues de Castillac ne semblaient pas accoutumées. Quel désordre ! Anatolie, tout de go, devina le coupable, Paulin. La veille ne lui disait-il pas l'hostilité qu'il avait contre ces miroirs trop sournois et qui permettent aux chats de mythe de surveiller dans leur coin et recoin le prochain, la prochaine, la troupe passante des esclaves. Oui, c'était à n'en pas douter, Paulin. Quel garçon! Et quelles inventions il avait! Anatolie en frémissait de plaisir. Elle craignit de n'avoir pas le temps, avant la messe, de regarder toutes les mines des victimes de Paulin. Les unes qui tâchaient de badiner, les autres non. Et les unes qui s'enfermaient dans leur dignité offensée. Les autres qui annonçaient déjà, comme l'événement dont cet enfantillage, de mauvais goût, de très mauvais goût, et qu'on aurait tort de prendre à la légère, était le signe avant-coureur, la révolution sociale. Paulin commençait-il ainsi sa propagande? Anatolie se le demandait. Et alors elle le voyait dans l'alternative, ou bien de ne pas dire que c'était lui l'auteur de cet acte si drôle, et qui en tirerait la moralité. Ou bien de se déclarer, et il encourait tous les risques les plus dangereux. Anatolie trembla pour lui et l'admira d'être si audacieux. Elle dit à sa grand-mère tout bas « C'est Paulin, sûrement. » Madame de Berville riait sous cap. Elle répondit « Ne le dis pas. » Certes, Anatolie ne dirait rien. Et elle était contente d'avoir avec sa grand-mère un tel secret qui au surplus égayait sa grand-mère. Et elle lui donnait une joie forte, un sentiment d'héroïsme. Les tantes arrivaient, toutes les deux comme toujours, car elles ne s'aimaient pas, mais leur destinée était liée, et les attachaient l'une à l'autre. De son faubourg neuf, tante Pauline venait chercher sa belle-sœur, pour le moindre déplacement. Dès lors, elles allaient ensemble, tante Pauline multipliant ses pas, et tante Henriette allongeant les siens. Les tantes arrivaient, l'une protégée par l'étage de son appartement, l'autre par l'éloignement de son faubourg. Elles n'avaient pas eu à souffrir de la malice paulinienne. La tante Pauline déplora l'effronterie de nos énergumènes. La tante Henriette, qui n'avait pas de bonhomie, cherchait le coupable. Elle parut l'avoir deviné. Elle disait « J'ai mon idée ». Anatolie, pour qu'elle se tût, lui lança un regard sévère. Anatolie, depuis la veille, avait du prestige. On tenait sa réponse, Madame de Berville ayant écrit « C'est convenu, la maison est à vous ». Anatolie pouvait se raviser. Son regard donnait à entendre. « Dis-le non, tu me le paieras. » Et, prudente, la tante Henriette se tint coite. On eut beau la solliciter. « Quelle est votre idée ?»« Ce n'est, répondit-elle, qu'une idée. » Et il fallait qu'on eût confiance dans le mépris qu'elle professait à l'égard des idées. Les gens se disaient « Nous saurons tout par Madame René. » Pendant la messe, où elle était pieuse, fervente, docile aux péripéties poignantes de la liturgie, Anatoly eut des distractions. Elle pensait, malgré elle, à Paulin. Elle se le figurait, de nuit, quand toute la ville dort, se faufilant de rue en rue, tenant à la main probablement une petite lampe à pétrole, en cuivre, l'une de celles qui fument facilement, et qui, la mèche montée, envoie des nuages épais et noirs. Il s'arrêtait de fenêtre en fenêtre, il noircissait un miroir après un miroir. Il ne riait pas de son espièglerie. Ce n'était pas une espièglerie, dans sa pensée, mais un acte de conséquence, et comme, il disait avec un peu d'emphase, un symbole. Seulement pour traduire le symbole et pour en dévoiler toute la signification très importante, qui donc y aurait-il? Personne dans les groupes qui bavardaient devant l'église en attendant la messe n'y avait rien compris. Et ainsi l'apostolat périlleux de Paulin ne valait rien. Quand le prêtre monta en chaire pour le sermon, peu s'en fallut qu'Anatoly ne s'attendît qu'il révélât tout le mystère. Mais il parla de la tentation que le démon fait à Jésus. « Je te donnerai l'univers. » Anatoly l'eût accepté. Au dédain qu'opposait Jésus, elle vit une nouvelle fois que Jésus était Dieu. À la sortie de la messe, elle eut un éblouissement. Que n'avait-elle pas devant les yeux? La façade du château, à quelque distance, resplendissait de soleil. Chaque pierre était illuminée de roses magnificences. Et sur le perron, ruine du vestibule, comme sur une estrade que le terre-plein vert et herbu exhaussait, dans une gloire de rayons enflammés, dans l'apothéose de sa solitude que la foule environnait, Paulin faisait un grand discours. Anatoly n'entendait pas toutes ces paroles. Il n'en parvenait à ses oreilles que des bribes, comme on reçoit dans une plaine des bouffées intermittentes de vent. Elle entendit « Donnez de l'air à vos pensées ». Elle entendit « Sortez de vos petites caches, répandez-vous dans la beauté universelle de la terre et dans sa félicité immense ». Elle entendit « Ne soyez plus esclaves les uns des autres, mais rompez toutes les servitudes et croyez à mon évangile ». Ah, laissez-vous tranquilles les uns les autres. Les périgourdins ne sont pas poltrons, et ils sont de la bonne humeur. Un garçon vif et drôle n'est pas pour les effrayer. On applaudit d'abord à Paulin et à son bagout. Mais il dépassa la mesure et l'on se fâcha. Les protestations empêchèrent Anatoly de l'entendre. Puis elle sut qu'il traduisait le symbole des miroirs offusqués. Il avait préparé sa parabole nuitamment, et il la livrait à la méditation de la foule. Un caillou, l'on ne sut pas d'où, lui fut lancé et l'atteignit au bras. Pendant une seconde, on put croire qu'il chancelait. Mais il reprit. « Laissez-vous donc tranquilles les uns les autres. »« Il est fou, » dit Madame de Berville. La foule s'agitait. Madame de Berville eut peur et entraîna sa petite fille. Toutes deux s'en allaient, traversant des commérages, laissant derrière elles un tumulte qui soudainement devint joyeux. Des rires éclatèrent. Ils dominèrent la récente mauvaise humeur. Madame de Berville et Anatoly rentraient chez elle, anxieuses. Par la fenêtre du salon, vite, elles regardèrent. Elles virent une automobile démarrer, fendre les groupes et enfin prendre sa vitesse. Dans la foule, on ne distingua plus Paulin. Puis, en peu de minutes, la place se vida. La gaieté finale de l'aventure suffisait à les tranquilliser sur le sort de l'apôtre. Mais Anatoly avait dans l'esprit du rêve et de l'émoi pour longtemps.